بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خذ من قول الله عز وجل واتبع، خذ من قول الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي. عرب فرنسي إن شاء الله. Verset par verset, tu le fais en arabe français. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi ensuite est votre retour. Et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. واتبع سبيل من أناب إلي. On en a parlé longuement. ولله الحمد. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ أَيْ. C'est-à-dire, أُخْبِرُكُمْ فَأُخْبِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah Azza wa Jalla dit, vers moi, ensuite est votre retour. Et précédemment, plutôt dans les versets ici qui ont précédé, Allah Azza wa Jalla dit, وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. D'accord? Donc, Allah Azza wa Jalla répète souvent, وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. D'accord? Par exemple, ici, إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. Les ulama, ils ont dit, ça, si Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur le fait que le retour se fait auprès d'Allah azza wa jalla, on retournera tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il nous rappelle quelque part Allah subhanahu wa ta'ala que le prédicateur ad-da'i, il Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit cesser, d'accord, il ne faut pas qu'il cesse de rappeler aux gens qu'il appelle vers le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala que le retour se fait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayya al-masir, ilayya marji'ukum, comme qala subhanahu wa ta'ala miraran wa tikrara fi kitabi al-aziz. Allah ne cesse de répéter dans le Coran al-Karim que le retour se fait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prédicateur est la personne qui appelle les gens au bien et qui fait ce qu'on appelle al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il ne doit cesser de répéter aux gens ici que le retour se fera auprès d'Allah azza wa jalla, pour que leur cœur reste toujours lié avec Al-Akhira, qu'ils ne cessent de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut, ici où il faut toujours leur rappeler, qu'ils seront rétribués Al-Jaza. Ils seront rétribués auprès d'Allah Azza wa Jal. Soit par Al-Khayr, ou soit par Al-Shar. Soit par le bien, ou soit par le mal. Donc toujours quand tu fais Al-Da'watu Allah Azza wa Jal, parle toujours de l'Akhira. Parle toujours de la mort, Al-Maut. Et parle toujours de la rétribution qui se fera par Allah subhanahu wa ta'ala auprès d'Allah azza wa jalla. Maliki yawmiddin, elle, le maître du jour de la rétribution. C'est qui le maître ce jour-là, le jour de la résurrection? C'est Allah azza wa jalla. C'est le maître. Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Donc il faut toujours rappeler aux gens quand on les appelle au bien et on leur interdit une chose qu'Allah azza wa jalla bien sûr a interdit, il faut toujours leur rappeler qu'ils vont mourir. Et que le retour se fera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le fait de penser, de rappeler la mort, ça apaise les cœurs. Et ça permet, et ça pousse la personne à plus accepter tes conseils. Quand tu vas parler à une personne et tu vas lui dire, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est haram. Peut-être il va le prendre, surtout si c'est un nouveau, ici, comme quelque chose, comme des critiques, il va peut-être le prendre mal, il va, dû à quoi? À son éloignement de la religion et sa manque de foi, son manque de foi. Mais quand tu parles à une personne même qui est très de la religion, et faites le test, même qui a du mal à accepter la vérité, quand tu lui rappelles la mort, wallahi, tu le vois qui, tu vois son cœur s'apaiser un peu et il est plus apte et plus prêt à accepter la vérité, cette vérité que tu es en train de transmettre. C'est pour ça, parler toujours de la mort, de l'akhira, rappeler à cette personne là qu'un jour va venir où on va la laver, où on va lui mettre le kafan, où on va prier sur elle. Et un jour va venir où elle devra rencontrer Allah Azza wa Jal, où Allah sera satisfait d'elle, ou alors il sera en colère contre elle, et ça va apaiser son cœur, et ça va l'aider ici à accepter la vérité. Wassil. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khaldalin fatakun fi saqra, fatakun fi saqratin aw fi as-samawati aw fi al-ard. أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. يا بني إنها. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle qu'il voit tout, qu'il sait tout, qu'il entend tout et que tout sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quoi exactement? Qala jalla wa ala, ya bunay, hikayatan an Luqman alayhi salam, ou an Luqman al-Hakim, qawlu al-Rajih, on a dit c'est un prophète ou un envoyé. On avait dit quoi? Ni l'un ni l'autre. Ni un prophète ni un envoyé. Et voilà qu'on dit Luqman al-Hakim le sage. Yabunay innaha. Mais quoi? C'est quoi cette chose-là? Innaha, qala al-ulama, kullu shay'in min hasan ou sayyi. C'est toute chose, bonne ou mauvaise. D'accord? Fût-elle le poids d'un atome, même si cette chose est quelque chose de très minime, comme Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien, il le verra. Quand? Au jour de la résurrection. D'accord? فِي ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي لَا يَنْفَعُ فِيهِ النَّدَمْ. Ce jour-là où les regrets, les bouka, les pleurs, le fait de se lamenter ne te profitera en rien du tout. Trop tard. Khlas. Donc ce jour-là, celui qui a fait le poids d'un atome de bien, il le verra. Celui qui a fait le poids, quelle quantité? Un atome. Regardez ici la mesure. Le poids d'un atome de mal, il le verra. Le poids d'un atome de mal, tu le verras. Au jour de la résurrection. Innaha qil kullu shay'in min hasan aw sayyi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfa alayhi shay'. Innaha yuqal aywan al-dhulm. Certains savants, ils ont précisé. Ils ont dit, c'est quoi qui sera présenté, qui sera ramené à Allah subhanahu wa ta'ala, fût-elle le poids d'un atome? Ils ont dit c'est une injustice. Toute injustice que tu as fait envers n'importe quelle personne. Et va plus loin, même envers les animaux. Donc, de façon générale, et c'est la parole parmi les gens de science de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, il dit c'est toute chose, de bien et de mal. De façon, tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais, fût-ce le poids d'un atome de bien, ça sera apporté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal ordonnera à cette chose de se présenter au jour de la résurrection. Et tu devras rendre des comptes sur cette chose. Et vous vous souvenez ici de la parole des salaf et concernant le comportement de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa huwa ala firash al-mawt, quand il était sur le lit de mort et il était en train de gémir. Min shiddati al-alam. Ici, à cause de quoi? La souffrance, le mal qu'il avait. Wa huwa kana ala firash al-mawt. Et ici, il est venu, il lui a été dit, Taous a dit que al-malaika écrivent tout, même le gémissement de la personne. Il dit même malaika, ils écrivent ça. Sakat. Il s'est tué. Regardez, ici, les gens de science, qui avaient peur de rendre des comptes sur des choses, ou alors d'avoir un comportement qui allait être considéré comme si c'était une plainte. Donc ici, il craignait Allah Azza wa Jal, même sur les détails. Et pourquoi pas, alors qu'Allah Azza wa Jal, il parle de certains détails, ou plutôt de choses qui pour nous, quelquefois, nous paraissent être des détails, alors qu'auprès d'Allah, c'est énorme, et il dit, subhanahu wa ta'ala, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Vous pensez que c'est une chose infime, pas d'importance, alors qu'auprès d'Allah, elle est الإنوم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو يصمت. Regardez pourquoi il dit, si tu crois en Allah et au jour dernier, dis du bien ou tais-toi. C'est pour notre bien ou pour notre mal que le prophète عليه الصلاة والسلام dit ça? C'est pour notre bien. D'accord? Peut-être que la parole en elle-même elle est crue. Peut-être que quelqu'un va nous dire elle est un peu dure. C'est vrai ou pas? Elle est dure ou pas cette parole? Elle est dure ou pas? Elle est dure. Donc, est-ce que toute parole dure est mauvaise? Non. Mais c'est qui l'a dit? Ar-Rahmatul Muhda, alladhi zakkahu jalla jalaluhu biqawlihi subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala subhanahu wa ta'ala hikayatan an Muhammad alayhi salatu wa salam, wa law kunta faddan ghalidh al-qalb lan faddu min hawlik. Regardez, pourtant, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a dit sur le prophète alayhi salatu wa salam? Il dit, certes, nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité. Certes, si tu avais eu le cœur rude, d'accord, si tu avais été rude au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Mais avec cela, le prophète alayhi salatu wassalam, quelquefois, il disait des paroles dures. Et est-ce que le prophète, quand il parlait avec des paroles dures, c'était un manque de sagesse de sa part? Non. Abadan, au contraire, Alex. Donc la preuve que quelquefois dire des paroles dures, c'est une sagesse. Quelqu'un me dit, non, c'est pas dur. D'accord. Toi, tu vas parler avec une personne, tu vas lui dire, écoute mon frère, soit tu dis quelque chose de bien, soit tais-toi. Il va te dire quoi? C'est une parole dure ou pas? Il va dire, regarde comment il m'a parlé celui-là, vous parlez de lui comme quoi c'est une personne de bien. Il m'a dit, soit dis du bien ou soit tais-toi. Ça se dit, ça tais-toi. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. خلاص. Mais ça c'est pour notre bien ou c'est pour notre mal? C'est pour notre bien. Donc nous disons, celui qui croit en Allah Azza wa Jal et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. C'est une parole du prophète alayhi salatu wassalam qui avait plus de sagesse que n'importe qui d'entre nous et d'entre les créatures d'Allah Azza wa Jal parmi les êtres humains. Mais c'est une parole dure et c'est la preuve que cette parole est une parole sage, c'est que c'est le prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui l'a dit. Et que ici, il ne faut pas écouter toujours les paroles qui nous disent du bien, qui nous, hein, nous embellissent tout. Non, quelquefois, quand la personne elle te dit une parole vraie, mais dure, prends-la parce qu'elle est vraie. Surtout, quand c'est pour ton bien. Mais quel bien? Les gens, ils voient toujours le bien dans quoi? Dans les choses mondaines. Tant qu'il me dit des choses bonnes pour moi dans ma vie d'ici-bas, pour trouver un travail, une solution pour pouvoir acquérir une chose de la vie d'ici-bas, c'est un bien. Mais quand on dit des paroles quelquefois dures, d'accord? Parce qu'il faut, et on est dans le moment où il faut dire des paroles dures, quelquefois, ici, mais c'est pour ton bien dans l'au-delà, comme on n'a pas vu le paradis, comme on n'a pas vu le Qabr avec l'œil de la certitude, comme on n'a pas vu Malek al-Maut avec l'œil de la certitude, comme on n'a pas vu l'enfer, comme on n'a pas vu le châtiment, comme on n'a pas vu cela, on prend ça directement comme une critique. Mais quand on va voir As-Sirat, As-Sirat, tout le monde va voir l'enfer ou pas? Wa im minkum illa wariduh. Allah Azza wa Jalla dit, tout le monde passera par As-Sirat. Donc tout le monde verra Al-Nar. As-Sahaba, il y a beaucoup de compagnons qui ont pleuré. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu ce verset coranique. Parce que Allah Azza wa Jalla rappelle, tout le monde verra l'enfer. Wa im minkum illa wariduha. Donc ici, là, quand toi tu verras Sirat, quand tu verras ça, là d'accord, tu vas te dire, oh, mais en fait c'était un bien pour moi. Et tu vas te rendre compte que la personne qui, pour toi, te paraissait être dure envers toi ici-bas, c'était la meilleure des personnes, la personne la plus bénéfique pour toi. Claire? Donc nous disons ici, il faut écouter ceux qui disent la vérité, même si ces paroles nous paraissent un peu dures. Non. Khod, ya akhi al-habib, ça marche ou pas le non, khalas, mets que un, depuis le début, ça marche pas. C'est pas ce qu'ils entendent à fond. Khalas, mets que un micro, khalas. Donc, ici pour les frères et sœurs, il y a eu un petit problème au niveau de l'Israël. À la couline, on met que un micro, inshallah ta'ala. Noah, c'est inshallah ta'ala. Donc, on était avec, innaha, ya bunay, innaha. On avait dit, c'est quoi alors, innaha? C'est quoi qui va se présenter auprès d'Allah, Azza wa Jalla, au jour de la résurrection? C'est toute chose. Bonne ou mauvaise? Wadih? C'est clair. Fût-elle le poids d'un atome. Donc, fais attention quand tu parles. Fais attention quand tu regardes. Fais attention quand tu vas dans un endroit. Fais attention quand tu parles derrière le dos d'une personne. Fais attention quand tu as opprimé. Pourquoi opprimé? Ici, certains genres de choses nous disent non. C'est toute injustice. Ah, c'est plus précis. Toute injustice. Et ces deux explications se rejoignent. Toute injustice, fût-elle le poids d'un atome, d'accord, se présentera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika qala alayhi salatu wa salam, adh-dhulm dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice, c'est se transformera en ténèbres au jour de la résurrection. Donc celui qui fait le poids d'un atome d'injustice, cette injustice se présentera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et devra en rendre des comptes. Et Allah fera amener et fera apparaître cette injustice au grand jour, au jour de la résurrection. Que dire si tu as fait des injustices et des injustices, dhulm ala dhulm, sur tes frères, sur tes sœurs, toucher leur réputation, toucher à leur honneur, faire du mal, voler, tricher, faire beaucoup de mal aux gens, opprimer beaucoup de gens. Si tu es une personne qui est décédée, sans qu'on t'ait pardonné, voilà, iyadou billah. Tu as fait porté des fausses accusations, des fausses attestations. Shahadatou zour, ça fait partie des al-kaba'ir. Parmi les plus grands des péchés, tu as menti sur les gens. Et tu n'as pas demandé pardon et on t'a pas pardonné, voilà, iyadou billah. Imagine-toi ton état au jour de la résurrection, alors qu'Allah Azza wa Jalla dit, même fût-elle le poids d'un atome, elle viendra au jour de la résurrection et tu devras en rendre des comptes. Tu devras en rendre des comptes. Et avant, ayyuhal ahibba, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit concernant la justice, comme il est relaté dans un hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala, avec une traduction approximative, il tend la corde à l'injuste. Donc c'est-à-dire, il lui laisse, un répit, un délai. Khalas. Donc il se noie encore plus dans son injustice. Parce qu'il dit, regarde, subhanallah, je fais de l'injustice et là, s'il n'y a pas de problème, il m'arrive rien du tout. Et il dit, le prophète alayhi salam, quand il le frappe, il ne le rate pas. وَلِمَلَا وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous avez vu, le prophète alayhi salam, il a dit, Allah azza wa jalla, il tend la corde à l'injuste. Mais quand il le frappe, il ne le rate pas. Allah, il dit, فَلَمَّا. À quel moment? Écoute bien, à quel moment? فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُ بِهِ. Quand ils ont oublié ce que quoi? On leur a rappelé. Ah, on leur a rappelé. Ne faites pas le mal, faites le bien. Craignez votre Seigneur, ne jouez pas avec la religion. Revenez vers Allah, éloignez-vous du shaitan. Rapprochez-vous de la religion, ne vous éloignez pas de la religion. Voilà qu'ils ont oublié. À ce moment-là, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Avec cela, Allah il dit, on leur a ouvert toutes les portes. Ah, toutes les portes. Le bien, beaucoup de choses. Khlas, tu fais de l'injustice, on te rajoute de l'argent. Tu fais ça pour avoir de la notoriété, on te rajoute de la notoriété. Tu fais ça pour te montrer devant les gens vont te donner de l'importance. Tu fais ça pour te glorifier, on va te glorifier. Tu fais ça pour trahir des gens, khlas, ta trahison va durer plus longtemps. Allah Azza wa Jalla dit, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. Jusqu'à ce qu'ils ont, ils ont été vraiment joyeux, ils ont exulté de ce que Allah Azza wa Jalla concernant les choses qu'Allah leur a donné. Ça, ils ont explosé de joie, trop heureux. On fait de l'injustice, après que quoi? Alors qu'on nous rappelle, ne faites pas ça, mais on persiste, avec cela, Allah il nous ouvre les portes de tout. Donc ne sois pas étonné. Si tu vois des injustes, ici, noyés et baignés dans le bonheur, fini avec moi, éphémère. Ne sois pas étonné. Comment ça, celui-là fait de l'injustice aujourd'hui, mais pourtant tout va bien pour lui. Peut-être il est sur la vérité. Non, non, non, ne te trompe pas. Abadan. Allah Azza wa Jalla lui-même, il dit dans un hadith Qudusi, Ya ibadi, inni harramtu dhulm ala nafsi, fala tadhalamu. Allah lui-même, il dit, je me suis interdit l'injustice à moi-même. Subhanahu wa ta'ala. Allah lui-même, il s'est interdit l'injustice à lui. Et il dit, ah, ne vous opprimez pas les uns des autres. Donc, c'est-à-dire, ne portez pas préjudice à vos frères. Entre vous et même envers un animal, on l'a déjà dit plusieurs fois, on n'a pas le droit de porter ou faire du mal à un animal. Opprimer un animal, ça peut être une cause de notre entrée en enfer. D'accord? Donc ici, un animal, on n'a pas le droit. Que dire d'un être humain? Que dire d'un un homme ou une femme? Que dire d'un croyant qui dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Donc Allah Azza wa Jalla dit, khlas, ils ont persisté, on leur a rajouté. Khlas, vous voulez, on vous rajoute. Et quand ça, ils étaient au summum, ils ont exulté de ce que Allah Azza wa Jalla leur a donné. Khlas, oui, ils sont heureux, regardez. Ah, khlas. Ah, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah Azza wa Jalla dit, on les a pris, on les a saisis, soudainement. Ah, quand il le frappe, il le rate pas. On les a pris, soudainement. D'accord? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les prendre à un moment où ils ne s'attendaient pas. Et de toute façon, kullu wahid minna ya'lam wa ya'rif anna al-mawta sayati baghta. Tout le monde sait que la mort va venir soudainement. Mais l'injuste, Allah Azza wa Jalla nous rappelle qu'il va le prendre soudainement. Et souvent, à un moment où il ne s'attend pas, bien sûr, mais à un moment où il sera en train de faire, ou dans une époque, ou dans une période, où il sera sûrement au summum de son injustice. Pour le scandaliser, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Au jour de la résurrection, وَلِمَلَا وَقَالَ الْعُلَمَا وَمِنْهُمْ مُكَثِرَ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. Celui qui vit dans une situation, il mourra dans cette situation-là. Khlas, t'as vécu dans l'injustice, tu faisais de l'injustice aux gens, Allah il te fera mourir sûrement dans une injustice. Et celui qui meurt dans une situation, ressuscitera auprès d'Allah Azza wa Jal dans cette situation-là. Tu es mort en train de faire de l'injustice, tu ressusciteras auprès d'Allah Azza wa Jal en train de commettre cette injustice. Et Allah Azza wa Jal va te scandaliser ici-bas et dans le delà, wal'iyadu billah. Donc, al-dhulm, il faut faire attention. Surtout quand on sait que, comme les gens de science ont dit, c'est-à-dire quand Allah Azza wa Jalla dit innaha ya bunay innaha, c'est-à-dire l'injustice, d'accord, même si elle est cachée, même si elle est minime, même si elle est petite, même si on la voit à peine, Allah la ramènera. Et d'autres gens de science, ils ont dit aam, c'est plus général, à la commune la justice rentre dedans dans tous les cas, c'est vrai ou pas? C'est-à-dire kullu shay min hasan aw sayy, toute chose bonne ou mauvaise, donc la justice est mauvaise, donc la justice est concernée dans tous les cas par ce verset coranique, wallahu ta'ala a'lam. Donc, on doit craindre l'injustice et craindre Allah subhanahu wa ta'ala quand on parle, quand on agit et quand on donne des avis, ou surtout quand on veut parler derrière le dos d'un frère ou d'une sœur. Wadih wa asaj. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Ya bunayya aqim as-salata wa amur bil ma'ruf. Latif al-khabir, afwan. Latif al-khabir, al-latif. Latif, c'est parmi les noms d'Allah azza wa jalla, asma illahi subhanahu wa ta'ala. C'est quoi latif? C'est l'infiniment doux. L'infiniment doux. C'est celui, comme on dit les gens de science, c'est celui qui fait parvenir à ses serviteurs, al-ibad, et ses alliés, al-awliya, leurs intérêts avec lin, avec douceur, par des voies dont ils n'en ont pas conscience. À l'infiniment doux, c'est Allah Azza wa Jalla al-Latif. C'est celui qui fait parvenir à ses serviteurs et ses alliés leur intérêt avec douceur, par des voies dont ils n'en ont pas conscience. Al-Khabir, Al-Khabir, c'est celui qui est parfaitement connaisseur. Allah Azza wa Jalla, il sait tout. Il a connaissance de tout, des choses apparentes et des choses cachées. Il sait combien de grains de sable il y a dans un désert. Combien de litres d'eau il y a dans un océan. Il sait quand une feuille tombe dans n'importe quel coin du monde. Et il l'entend tomber et il la voit tomber. Alors qu'il entend les milliards de personnes parler. Et il sait ce qu'il y a dans le cœur de toutes ces milliards de personnes qui sont vivantes. Et il connaît chaque intention de chaque personne sur la surface de la terre. Et il sait ce qui va se passer demain. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah Azza wa Jal, ici ayol ahibba, il est au-dessus de tout ce qu'ils lui ont donné comme associé. Allah subhanahu wa ta'ala ayol ahibba, c'est lui le plus haut, le très haut. C'est lui qui est au-dessus de toutes ces créatures. Et c'est lui qui est le seul qui mérite d'être adoré. Wa lidhalika naqul, la ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah l'unique. Wadih. Wadih. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ô mon enfant, accomplis la salat. Comment... Stop. Écoute bien. Regardez bien. Dans ici ces versets de sourate Luqman. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle que Luqman a ordonné à son fils de quoi? Suivez bien. De se purifier de quoi? De shirk. D'accord? La tushrik billah, inna shirk la dhulmun azim. Ah, ne donne aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, l'association, c'est la plus grande des injustices. Vous suivez bien. Donc la première des choses, c'est la at-takhliya. C'est la purification. On est bien, suivez bien. Ensuite, plus loin, on voit wa'mur bil ma'ruf. Non, aqim as-salat. Il lui ordonne de faire la prière. Combien de piliers il y a dans l'islam? 5. Khalas. Premier pilier, ça mettez-les à droite. Premier pilier, ash-shahada. Luqman al-Hakim, il ordonne à son fils de quoi? D'adorer Allah Azza wa Jalla sans rien lui associer. Donc est-ce qu'il y a une relation ou pas? Na'am. At-tawhid, at-tawhid. Et ici, plus précisément, il lui a dit, éloigne-toi de l'association. Une chose mauvaise. Donc c'est ce qu'on appelle at-takhliya. Wa lidhalika yuqal at-takhliyatu qabla at-tahliya. C'est pour ça qu'il est toujours dit, et ça c'est une règle en islam. Ici, la purification avant, si on veut, l'ornement. C'est-à-dire, al-insan, il doit toujours se purifier avant de s'orner. Avant de faire les choses bonnes, il faut que tu te débarrasses des choses mauvaises. Ça c'est une règle, retenez ça. At-takhliyatu qabla at-tahliya. Avant de faire des choses bonnes, débarrasse-toi des choses mauvaises. Car en te débarrassant des choses mauvaises, tu seras plus apte, d'accord, et dans une meilleure situation pour pouvoir faire ces choses bonnes. D'accord? Donc, débarrasse ton âme des choses mauvaises, des impuretés. Donc purifie ton âme avant d'orner ton âme. D'accord? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla au début, il rappelle que Luqman a éduqué son fils à ce quoi? À se purifier. À purifier son âme et ensuite à faire quoi? À orner son âme. Donc on purifie son âme de quoi? Al-shirk. Et on orne son âme avec quoi? Al-salat. D'accord? C'est pour ça qu'on dit At-tahliyatu qabla at-tahliya. Et ça, c'est une règle générale. Et Allah Azza wa Jalla nous le rappelle dans plusieurs versets coraniques. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il dit أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ Est-ce que vous ordonnez aux gens de faire le bien alors que vous vous oubliez vous-même? D'accord? أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Pourtant toi tu t'oublies toi-même وأنتم تتلون الكتاب alors que vous lisez le livre. أفلا تعقلون? Est-ce que vous raisonnez? Pourquoi Allah عز وجل blâme ces personnes? Parce qu'elle a fait ce qu'on appelle التحليه قبل التخلية. واضح؟ Elle a voulu orner son âme de façon extérieure avant de se purifier. Mais avant, ce qui nous est demandé, nous, c'est de se purifier, purifier son âme et ensuite d'orner son âme. Donc avant de faire الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ici, حاسب نفسك يا عبد الله. Ici, demande des comptes à toi-même. Interroge-toi, est-ce que tu es dans le bien ou pas? Est-ce que tu appliques ce que tu vas dire ou pas? Donc c'est pour ça qu'on doit d'abord se purifier soi-même. Quand toi tu te purifies, khlas, orne ton âme. D'accord? Débarrasse-toi du mal et ensuite orne ton âme avec le bien. Wadi. On reprend. Le premier pilier de l'islam c'est al-shahada. C'est l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique et que Muhammad alayhi afdalus salat wa askat taslim est son envoyé. Donc c'est al-tawhid. Et ici le Qur'an il a commencé par al-tawhid. Wasi. Deuxième pilier de l'islam, c'est quoi? As-salah. Luqman, il ordonne à son fils à faire quoi? Aqim as-salah. La prière. Wasi. Qu'est-ce qu'il dit après? Aqim as-salah. Attends. Troisième pilier de l'islam, c'est quoi? Zakat. Az-zakat. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Luqman après? Est-ce qu'il parle de zakat ou pas? Non. Vas-y, wasi. Oh, mon enfant accomplit la salah. Commande le convenable. Interdit le blâmable. Khalas. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. Ici Luqman dit à son fils de الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. Ordonne le bien et interdit le mal. Quelle relation avec zakat? Ici on voit qu'il y a une relation quand même. Pourquoi? Le fait de dire une bonne parole à ton maman. Ici zakat c'est quoi? C'est le riche qui donne au pauvre. الداعي le prédicateur en islam. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne de sa science aux gens qui n'ont pas de science. Voilà, celui qui a de la science, est-ce qu'il est riche ou pas? Non, oui, il est riche. Celui qui n'a pas de science, est-ce qu'il est pauvre ou pas? Oui. C'est la plus grosse des pauvresses, des pauvretés. Et celui qui a la science, c'est la plus grande des richesses. Ad-dalilu ala dhalik, al-ulama, warathatu al-anbiya. Les savants, ce sont les héritiers. Ah, l'héritage, on parle d'argent. Les gens se disputent pour les héritages. Quand on dit héritage, on dit al-mal, on dit les biens, on dit les appartements. Donc on dit les biens, les richesses. Mais Allah Azza wa Jalla rappelle, c'est quoi la plus grande des richesses? Il fait honneur aux savants, honneur aux prophètes. Il dit al-ulama, warathatul anbiya. Ils n'ont hérité ni dinar, ni dirham, mais ils ont hérité la science. Donc ici, quand tu donnes zakat, c'est le riche qui donne aux pauvres. Ah, troisième pilier de l'islam. Et ici, il fait al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Donc ça nous renvoie au pilier de l'islam. Ça nous renvoie au pilier de l'islam. Regardez, ici, avec un tertib, avec un ordre. Donc il dit al-zakat. Le troisième pilier de l'islam, c'est zakat. D'accord? Et ici, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, ça nous renvoie quelque part à le riche qui donne aux pauvres. De plus, as-salah, c'est une relation entre toi et les gens. Ah. Al-alaqa baynaka wa bayna. Allah. C'est le lien, la relation entre toi et Allah. D'accord. Az-zakat, c'est une relation entre toi et les gens. Entre toi et les gens. Oui ou non? Khalas. Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, c'est une relation entre toi et les gens. Vous voyez la relation? Continue. Ensuite, il y a, après Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, quatrième pilier de l'islam, c'est quoi? Siyam. Est-ce qu'il parle de siyam? Non. Vas-y. Et endure ce qui t'arrive avec patience. Wasbir. Il dit patiente. Quelle relation la patience avec siyam? Tu patientes. As-siyam, c'est le mois de quoi? C'est le mois de la patience. Comment dire que c'est pas le mois de la patience? Quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui désire avoir des rapports avec son épouse, quelqu'un qui désire mentir, Quelqu'un qui, pendant le ramadan, il va faire des efforts et patienter comme il ne patientera jamais en dehors du ramadan. C'est une vérité ou pas? Et la personne se doit de patienter pendant le mois du ramadan et elle devra patienter comme elle ne patientera pas en dehors du ramadan. Parce qu'en général, quand tu as une épreuve, en général dans la vie, en général, il y a des épreuves qui durent peut-être des années, mais en général, tu as un malheur, ça dure un jour, deux jours, même un mort, quelqu'un qui décède, un jour très difficile, deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine, deux semaines, trois semaines, on commence à oublier ou pas? On regarde la réalité des choses. Il y a un frère qui était là. Il est mort il y a combien de temps? 15 jours, 2 semaines. Rahimahullah ta'ala. Fawarabbi al-Ka'ba, bien qu'il reste dans notre cœur, bien qu'on continue à invoquer pour lui, voilà, est-ce que notre état face à cette situation est la même qu'il y a 15 jours? Et ça, c'est que 2 semaines après, c'est quelqu'un de très proche. Donc ici, regardez ça. Mais Allah Azza wa Jalla, Ramadan, 30 jours. Pendant 30 jours. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasallam rappelle qu'Allah Azza wa Jalla dit, ah, mon serviteur se prive de boire et de manger pour qui? Pour moi, pour Allah Azza wa Jal. Ah, et c'est moi qui lui en donnera la récompense. C'est quoi la récompense exactement? Allah Azza wa Jal dit, c'est moi qui lui en donnera la récompense. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasallam, il dit, celui qui jeûne juste un jour surérogatoire, en vue de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, par la cause, d'accord, bisababi hadha al-yawm al-mubarak, par la cause de ce jour béni qu'il a jeûné, Allah subhanahu wa ta'ala, il éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 automnes ou dit, si tu veux, 70 années. Pourquoi? Parce que tu patientes. C'est un mois d'éducation. C'est un mois éprouvant. Et quelle plus grande épreuve que d'avoir énormément faim et énormément soif. Quelqu'un qui ne peut pas boire et manger, est-ce qu'il peut vivre? Donc ici, c'est une lourde épreuve. Ici, même quand vous dites à des non-musulmans la preuve, quand tu leur dis, on fait la prière, ils ne sont pas étonnés. On va au pèlerinage, ils ne sont pas étonnés. Nous, on ordonne le bien, on interdit le mal. Ils ne sont pas étonnés. Nous aussi, on le fait. Nous, on donne des aumônes. Ils ne sont pas étonnés. Nous aussi, on le fait. Voilà, quand tu lui dis, nous, on ne boit pas et on ne mange pas de l'aube jusqu'au coucher du soleil, alors que c'est l'été, alors que l'aube, peut-être, c'est à 5h du matin et le coucher du soleil, c'est à 23h, est-ce qu'ils sont étonnés ou pas? Ils sont traumatisés. Non. Ils ne comprennent même pas. Non. D'accord, vous ne mangez pas. Mais vous buvez quand même. C'est vrai ou pas? Vous buvez. Et ça, comme je racontais dans une conférence que j'avais donnée en Belgique, Perfectionne ta vie. Wallahi, c'était pendant le mois du ramadan et j'avais rencontré ici un prêtre. Et ici, quand je parlais avec lui, c'était dans un centre commercial et quand je suis arrivé à parler du jeûne avec lui, parce qu'il me dit, oui, j'ai vu, vous êtes rentré dans la période du ramadan. Je dis, oui, na'am. Il dit, oui, nous aussi, on a le carême. Nous aussi, on a le jeûne. Non, afwan. Au début, il m'a dit, il a parlé du ramadan. Il m'a dit, oh, oui, c'est bien, etc. Donc voilà. Ensuite, il dit, oui, vous buvez pas et vous mangez jusqu'à partir de quel moment exactement? Je dis, oui, on commence à arrêter de manger. Donc, on commence le jeûne de l'aube. Il dit, jusqu'à quand? Je dis, jusqu'au coucher du soleil. Il dit, non, mais vous avez le droit de manger à quel moment dans la journée? Je dis, on mange pas jusqu'au coucher du soleil. C'était pendant l'été. Il me dit, mais vous avez le droit de boire quand même. Pourtant, c'était un prêtre. Je dis, non, on n'a pas le droit de boire. Alors que siyam, c'est pour les juifs et c'est pour les chrétiens aussi. Il y a dans le judaïsme, il y a dans le christianisme, il y a dans l'islam, c'est pas nouveau. Eux, ils l'appellent le carême, il y a un jeûne, même pour eux, ils disent, il y a le jeûne. Et quand je lui dis, jusqu'au coucher du soleil, il dit, non, mais vous buvez quelque chose. Je dis, on boit rien, on mange rien. Il dit, jusqu'au coucher du soleil. Je dis, oui. Wallahi al-Azim. Là, je me suis rendu compte que quand les gens parlent de toi, et parle beaucoup de toi, c'est qu'ils sont beaucoup jaloux de toi. C'est vrai ou pas? Quand une personne ne parle pas de toi, rien à gratter avec toi. Pas jaloux. Mais quand il parle beaucoup de toi, ah, c'est qu'il est jaloux de toi. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'islam ou pas? Fawarab al-Ka'ba, c'est une preuve qu'ils sont jaloux de l'islam. Et comment je l'ai compris? C'est avec ce prêtre. Quand il m'a dit tout de suite, quand je lui ai montré que l'hamdoulilah on le faisait pour satisfaire Allah Azza wa Jal, sans complexe, et bien que c'est éprouvant, mais nous, c'est une joie pour nous, tout de suite après, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah mais nous aussi on a le carême, hein, nous aussi on fait le jeûne. Ah, pourquoi tu te justifies? Parce qu'il a éprouvé cette jalousie. Et il a été obligé, il s'est senti obligé, avec tout le respect que je lui dois, de se justifier et de montrer une réalité, mais qui a été délaissée malheureusement chez pas mal de chrétiens et de juifs. Il dit, nous aussi on a le carême, hein, nous aussi on jeûne, hein. Donc au début il était étonnant, ensuite il se justifie, moi aussi je jeûne. Ça c'est une preuve que quoi? Ils ont un complexe, ils ont une jalousie. Naam. Donc nous, c'est pour vous rappeler de façon concrète que c'est dur. Et donc toute chose qui est dure demande beaucoup de patience. As-Siyam, quatrième pilier de l'islam, qu'est-ce qu'il dit à Luqman, qu'est-ce qu'il dit Luqman à son fils? Wasbir. Ça nous renvoie au quatrième pilier de l'islam quelque part ou pas? Wasbir. Ensuite, est-ce qu'il parle de Al-Hajj, le pèlerinage? Il parle de Al-Hajj ou pas? Non. Il parle de Al-Hajj après ou pas? Non. Vas-y. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Continue, Wasbir. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. Répète en français. Et ne détourne pas ton visage des hommes. خلاص, ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance. Et ne foule pas la terre avec arrogance, c'est comme s'il lui disait agis avec modestie. Pudeur. Non. Pudeur, quelqu'un qui agit avec pudeur, il agit avec modestie. Donc il lui dit agis avec modestie. Donc, ne détourne pas ton visage des gens. Mélange pas avec les gens. D'accord? Et les gens pieux, vertueux. Al-Hajj, on est mélangé avec qui? Avec des gens musulmans pieux. Est-ce qu'on doit se détourner d'eux? T'as pas le choix. Que tu le veuilles ou non, t'as pas le choix. Que t'es riche ou pas, t'as pas le choix. Que t'es plus fort qu'eux ou pas, t'as pas le choix. Que t'es plus de notoriété, t'as pas le choix. Al-Hajj, manasikul Hajj, c'est tout le monde en même temps qui va à Arafat. C'est tout le monde en même temps qui va faire Tawaf. C'est tout le monde en même temps qui va faire As-Sa'i. C'est tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps. Khlas. Mais avec quel habit? Le riche, il doit mettre quoi comme habit? Deux étoffes blanches. Et le pauvre, il met quoi comme habit? Deux étoffes blanches. Voilà tout ça. Ne détourne pas ton visage des gens. Ah, reste avec les gens. D'accord? Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas khayru wa ahabbu ila Allah. Le croyant qui se mélange aux gens, qui patiente quant à leur préjudice. D'accord? Il est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que celui qui ne se mélange pas aux gens. Et qui ne patiente pas quant à leur préjudice. Mais avec quel type de gens? Allah Azza wa Jal, il nous ordonne, à travers beaucoup de pratiques religieuses, de patienter avec le groupe. Mais quel groupe? À la mosquée, on prie en groupe ou pas? Khalas. Avec cela, tu dois patienter. Al-Hajj, tu fais Al-Hajj en groupe ou pas? Avec cela, tu dois patienter. As-Siyam, on fait en groupe ou pas? Avec ceux qui font Siyam, tu dois patienter. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dans des concerts de musique en groupe? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné d'assister à des concerts en groupe? Non. Voilà, cela, tu dois détourner d'eux. Mais tout groupe qui adore Allah Azza wa Jalla, tu dois patienter avec eux. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Comme au pèlerinage, et Allah Azza wa Jalla, il éduque la communauté, surtout pendant le pèlerinage. Parce que c'est un rassemblement qui fait partie des rassemblements les plus éprouvants, parce qu'il y a le plus de monde. Était fatigué, était pendant un voyage. Et c'est dur, et c'est éprouvant. Donc ici, il nous rappelle « Wala tusa'ir khaddaka linnas ». Deux étoffes blanches, le riche et le pauvre, tout le monde pareil. « Wala tamshi fil ardi maraha ». Et ne marche pas sur la terre avec avec fierté, avec vanité, avec orgueil. Donc sois modeste. Allah Azza wa Jalla, est-ce qu'il nous éduque à ces deux choses pendant le pèlerinage ou pas? Oui ou non? Oui ou non? De ne pas se détourner des gens et d'agir avec modestie. Et là, on retrouve encore ici une fois un pilier de l'islam qui est le dernier pilier de l'islam. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Donc ici, on voit ici que Luqman al-Hakim, il a éduqué son fils avec at-takhliya qabla at-tahliya. La purification avant l'ordre. Et quand il a ordonné à son fils de se purifier du mal, qui est la plus grande des injustices et le plus grand des mâles, qui est Ash-Shirku Billahi Azza wa Jal, l'association Allah subhanahu wa ta'ala, il lui rappelle, écoutez bien, l'opposé. Pourquoi je dis vraiment l'opposé? Parce que l'acte d'adoration le plus important et le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal, ba'da al-tawhid, c'est quoi? As-salat. C'est la prière. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith rapporté par Ahmed et d'autres authentifiés par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, avec une traduction approximative, il rappelle que le prophète alayhi salatu wa salam aimait quoi? Il aimait les femmes. Il aimait les femmes ou pas le prophète alayhi salatu wa salam? Il l'a dit. Il aimait le musc. Pourquoi tu rigoles comme ça? Mec, j'ai pas mis regard à droite, à gauche, je suis content. Il aimait le musc, le parfum. Et il aimait as-salah. Et il a dit as-salah qurratu ayni. C'est la la jouissance de mes yeux, la fraîcheur de mes yeux, c'est ce qu'il préférait le plus, c'était as-salah. Donc il a dit ce qu'il aimait, mais il rappelle que salah, c'est ce qu'il aimait le plus, ce qui réjouissait le plus le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et pourquoi pas, alors que le prophète alayhi salam a dit que ça sera une lumière pour toi au jour de la résurrection, et ça apporte une lumière dans ton cœur et une lumière chez toi si tu fais des prières surérogatoires chez toi. As-salah, as-salah tout nour, la prière c'est une lumière. La prière, c'est un acte d'adoration qui te permet de te délivrer de al-ham, wal-gham, wal-karam. De tout ce qui est souci, tristesse, angoisse. Et pourquoi pas? Regardez. Ici, ash-shirku billahi azza wa jal, c'est aussi, ce qui fait partie de shirk, c'est de prendre des intermédiaires avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tu vas aller voir la tombe de Moulay Foulan, d'accord? Et tu vas dire, ya Foulan, is'alillahi azza wa jal, an yamunna alayya bi kada wa kada, oh atel, demande Allah azza wa jal de m'octroyer ce bienfait, ceci, cela. Tu prends des intermédiaires, d'accord? Ça, ça fait partie du shirk. Shirkun akbar, la grande association. Man waqa'a fi dhalik, ba'da iqamat al-hujja, kharaja min al-millah. D'accord? Donc ici, ce qui va à l'opposé de shirk, c'est salah. Pourquoi? Parce que dans la prière, tu demandes à qui? À Allah directement. Et ici le prophète alayhi salatu wassalam dit, le hadith rapporté par Muslim, le moment où la personne est le plus proche aqrabu min Allah, le plus proche d'Allah azza wa jalla, c'est quoi? Quand il est sage, prosterné. Et là le prophète dit akthiru akthiru du'a, augmenter l'invocation, augmenter les invocations quand tu es prosterné. D'accord? Donc ici la prière te permet de demander à Allah azza wa jalla directement. Tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu invoques Allah Azza wa Jal. Tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à shirk billah Azza wa Jal, que tu prends des intermédiaires wa al-iyadu billah. Et ça, c'est une réponse à ceux qui disent, de jour comme de nuit, ou plutôt, qui augmentent beaucoup les plaintes. À chaque fois, toujours. J'ai ce problème, j'ai ce problème. Même s'il ne se plaint pas d'Allah, il se plaint aux gens, d'accord? Mais il se plaint plus aux gens qu'à Allah. وقال يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله. Donc il rappelle qu'il se remet quoi concernant sa tristesse, ses angoisses, etc., ses problèmes à Allah. Se plaindre à chaque fois il Allah عز وجل جائز هذا شيء مطلوب à chaque fois من الله عز وجل لا يجوز باجماع العلماء. D'accord. Et ici se plaindre aux gens, ça le moins qu'on puisse dire, c'est mieux que tu délaisses, surtout si tu le fais beaucoup. Plains-toi à Allah, quelquefois. Demande conseil à des frères. Là, c'est pas une plainte. Demander conseil à des frères pour un problème, c'est pas une plainte. Comme la personne qui est malade, il va dire au médecin, j'ai mal là. Il se plaint ou pas? C'est pas une plainte. Il dit qu'est-ce qu'il a pour que le médecin puisse savoir quel médicament lui donner. D'accord? Pour qu'il puisse guérir par la permission d'Allah Azza wa Jalla, car les médicaments ne sont qu'une cause. Et c'est Allah qui guérit. D'accord? Donc ici, ce n'est pas une plainte. Il y a une différence entre eux. Aller voir des gens et dire, moi j'ai eu beaucoup de problèmes, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Mais alhamdoulilah, tu ne te plains pas d'Allah. Et avec le fait que quelqu'un te dise, je te vois que tu n'es pas bien, etc. Donc je vois que tu n'arrives plus à t'accrocher à la religion. Voilà mon problème, c'est que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ah, est-ce que c'est une plainte le deuxième cas ou pas? C'est pas une plainte. Il explique qu'est-ce qu'il a, d'accord? Pour justifier son comportement. Et quelquefois dire, j'ai mal à tel endroit, sans le dire beaucoup, il n'y a pas de mal. Comme Aïcha l'a fait, comme le prophète alayhi salatu wassalam a fait. Il a dit, je souffre comme deux d'entre vous. Et quand il a dit, j'ai mal à la tête, Aïcha l'a dit, j'ai mal à la tête. D'accord? Mais c'est pour savoir où il a mal, pour savoir comment réagir avec lui, et il ne faut pas répéter les plaintes tout le temps. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Compris? Naam. Noa, c'est l'inshallah. Qu'est-ce qu'on avait dit avant cela? Pourquoi on a parlé de la plainte? La patience. Donc nous, on se doit de patience. Et pourquoi j'ai parlé de la plainte exactement? Parce qu'on parlait de la différence entre le shirk et le... Entre le shirk et la... Et ça. Donc ici, nous, on fait la prière pour se plaindre à Allah Azza wa Jal aussi quelque part. D'accord? Quand tu es dans prosterné, là, plains-toi. Dis, ya Rab, j'ai tel problème, ya Rab, j'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème. Personne ne peut ôter mes problèmes si ce n'est que toi. Là, il n'y a pas de problème. Pleure, là, c'est demandé. D'accord? Là, c'est demandé. Mais, allez voir les causes où les gens, qui t'ont fait du mal, essaie de repousser ce mal avec tes mains. Wallah, tu te fatigues beaucoup. Tu te fatigues beaucoup et souvent pour rien. Suis-moi avec moi et on termine avec ça. Ici, c'est demander ce qui fait partie de tawakkul ala Allah azza wa jal. C'est al-akhdhu bil asbab. Le fait d'utiliser les causes, ça fait partie de tawakkul ala Allah. Quelqu'un va dire, je place ma confiance en Allah azza wa jal, mais je fais rien. Quelqu'un me fait du mal. Je place ma confiance en Allah azza wa jal, mais j'utilise pas des causes pour éviter son mal. D'accord? C'est une erreur. Mais le fait de dire, je place ma confiance en Allah un peu, et je fais des retournes ciel et terre. Proverbe, hein? Entre guillemets, bon, on laisse le proverbe. Oui, je fais des efforts et des efforts de jour comme de nuit, vraiment énormément, pour mettre plusieurs causes en place, pour repousser ce mal, et de temps en temps, il invoque Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est un égarement. D'accord? Il faut énormément invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et fait beaucoup les causes en parallèle. Là, c'est le juste milieu. D'accord? La preuve de cela, on va prendre une parole de Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qu'il a donné à son élève, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. Si on a compris cette parole, فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ, on a compris énorme, énorme, énorme. On a compris énorme. Et ça, c'est une solution, si on médite sur ces paroles-là, qui vont nous permettre, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'atténuer rapidement nos soucis, nos tristesses et nos angoisses, et se voir faire délivrer de nos, d'accord, de nos soucis, de nos problèmes, et ici s'écarter rapidement de nos problèmes et de nos angoisses qu'on peut rencontrer. Ibn Qayyim al-Jawziya a dit, mon professeur et mon maître Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala m'a donné ce conseil. Regardez le conseil qu'il lui a donné. Walillahi al-mathalul a'la. Il dit, si le chien al-kalb qui garde les moutons aboie auprès de toi. Je dis au ralenti, parce qu'on a l'habitude de dire je parle vite, bien que c'est enregistré. Là, je dis tout doucement. Si le chien qui garde les moutons aboie auprès de toi. Dis le chien ou dis un être humain. Parce qu'il y a des gens, hein. Oulaïka kal an'am balhum adam. Il y a des gens, c'est pire que des animaux. D'accord. Mais, ala kulli hal, on a l'image. Si le chien qui garde les moutons aboie auprès de toi, ne t'occupe pas de lutter contre le chien et de le repousser. T'occupe pas de ça. Il aboie auprès de toi, n'essaie pas de le repousser ou de lutter contre lui. Mais il dit quoi? Il dit, par contre, adresse-toi plutôt au berger et appelle-le au secours. Il éloignera de toi le chien qui aboie et t'en débarrassera. Vous avez compris ou pas? Quand il y a des chiens qui aboient auprès de toi, ou des chiens ou des êtres humains qui agissent comme des chiens quelquefois, malheureusement. Allah Azza wa Jalla a comparé beaucoup d'êtres humains à des animaux dans le Coran al-Karim. Et qui aboient auprès de toi, et qui veulent te faire du mal, au lieu de te casser la tête, à faire des efforts, et des efforts, et des efforts, à repousser ce chien-là, ou celui qui veut te faire du mal, appelle plutôt au secours qui? Le maître du chien, c'est-à-dire le berger. Et dis-lui, ici, donc cherche secours auprès de lui, et ici, celui-là, il est plus à même ou pas? Parce que c'est le berger. Ah, le berger, il est plus à même parce qu'il connaît mieux la situation. Donc, il connaît mieux la situation, il connaît mieux ses moutons, il connaît mieux le chien. Donc, celui-là, il va te débarrasser, témoigner de quoi? De ce chien-là. Donc, quand toi, tu as des problèmes, ya Abdallah, avec des gens, ou face à des situations, au lieu d'essayer de repousser, avec tes mains, d'accord, alors que tu es très faible, ce mal qui veut te toucher, ici, demande secours auprès du maître des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jal écartera et poussera et repoussera ce mal de toi, bi idnillahi subhanahu wa ta'ala. Si certains disent, mais cette parole elle est peut-être mise hors contexte, parce que tu as sorti une parole d'Ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullah ta'ala, alors que tu parles de la prière, na'am, Ibn Qayyim al-Jawziya a parlé et a cité ce conseil d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans son livre, Les secrets de la prière. Les secrets de la prière. Et concernant les bienfaits de la prière, il y en a plein. Parmi les bienfaits, on sait très bien que la prière, ça nous différencie du mécréant. Certains ont dit celui qui tombe dans le délaissement de la prière, il est tombé dans une grande mécréance, dans une petite mécréance. À la couline, ça fait partie de le kaba'ir, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Allah Azza wa Jal, plutôt le prophète alayhi salatu wassalam, nous a ordonné ici, d'ordonner à nos enfants de faire la prière alors qu'ils ont 7 ans. D'accord? Et à 10 ans, plus de rigolade. On doit être sévère. D'accord ? On doit être poussé vers, toujours avec sagesse et bonne exhortation, mais ici envers nos enfants. Donc c'est-à-dire que c'est ikhlas, ils ont plus le choix, ils doivent faire la prière. D'accord ? Ils doivent faire la prière. Sans crier sur eux, non, mais normalement, si toi tu les as mis dans le bain depuis au moins 7 ans, et 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu leur as ordonné de faire la prière, à 10 ans ça va être quelque chose de facile ou pas ? Si tu attends le dernier moment, fais la prière, ça va être choquant. Donc c'est pour ça, Allah il nous éduque en nous disant, ici, étape par étape, il faut préparer les gens, d'accord, quand tu veux leur imposer une chose qui a été bien sûr imposée par Allah subhanahu wa ta'ala, tout en rappelant que nous, on n'impose pas, mais on propose. Qala subhanahu wa ta'ala, la ikraha fi din, nulle contrainte dans la religion. À 7 ans, on doit leur ordonner de faire la prière, ce n'est pas obligatoire pour eux, mais la responsabilité incombe au père, bien sûr, comme on l'a dit plusieurs fois. Ça veut dire que si tu n'as pas ordonné à ton fils de faire la prière et il décède dans cet état-là, lui ne rendra pas de compte, voilà qu'une toi tu rendras des comptes, et toi tu as fait un péché car tu as désobéi au prophète Mohammed quand il t'a dit, ordonne à ton fils de faire la prière à l'âge de 7 ans. Et à 10 ans, khalas, la chose est claire. Donc à 7 ans, on doit ordonner à nos enfants de faire la prière, et ça nous rappelle qu'on doit mettre dans le bain, entre guillemets, nos enfants dès le plus jeune âge, que ce soit les filles, et que ça soit les garçons. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wa sallam wa zidu barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.